nous avons réuni le conseil d'administration hier, puisque ça a provoqué un vif émoi quand même au sein de l'association. Elkartearen administrazio kontseilua bildu dugu astelenean, biziki unkituak baikira bortizkeri hori ikusiz. Hor, erabaki dugu publikoari zabaltzea, afera eta sustengua erakustea. Horretarazine dugu ere gure borroka segitzen dugula autobusen alde eta ez ditugula onartzen olako larderiak. Ce type d'intimidation, quelle que soit la situation et d'où qu'elle vienne, il est quand même grave qu'on ne puisse pas aujourd'hui pratiquer la liberté d'expression tranquillement. Gaur egun libreki adierazteko aukera ez ukatea grabe da eta bereziki autobusen aldeko borroka batean. Ikusiz gizarteko tentsioak gaur egun, uste dut zonbaitzuek ez dutela gehiago mugarik eta nerik gertatutakoa beste edozein pertsona publikoari gertatuko litzaioke. Peut arriver à n'importe quelle autre personne publique du moment, à partir du moment où ce type de personne est en désaccord, quoi.